L'acrobatie physique coréenne, vol de rotation variée, a reçu le prix suprême au Festival artistique de cirque mondial Idol 2016, tenu du 8 au 11 septembre à Moscou, Russie. L'acrobatie physique coréenne, vol de rotation variée, a été beaucoup applaudie par les spectateurs pour ses mouvements techniques élevés et les talents extraordinaires, afin de gagner le prix d'or Idol 2016, prix suprême du festival. L'autre acrobatie physique coréenne, équilibre à l'envers, a reçu le prix de bronze.